Lost in Space, comme tous les dimanches, vous accueille à partir de 21h pour une session quasiment exclusivement réservée au punk rock, musique bruyante, bruitiste, bizarre, diverses et variées. Pour connaître les titres, rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site de l'émission et c'est parti. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like you have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being, are now obsolete, and there's nothing in hell will let you do about it? So it's good for you. Like a piece of trash. To leave, unemployment runs out after just 6 weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist. Your numbers converge from our central computer, so we can read the facts and see you under the rug. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good for you. We'll make a good meal. How does it feel to be shit out of life? We'll be right back. against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know. So say uncle and we'll take you to the mental health zoo. Force feed you mind-melting chemicals till even the outside world looks great. High-tech science research labs. It costs too much to bury all the dead. The mutilated, diseased, surplus rats who can't be used anymore. So they're dumped with no minister present in a spiraling corkscrew disposal unit. Ground in the stew and flushed away. Get a dignified cremation. Yet, 6 o'clock tomorrow morning, it's time to get up. s'étale sur le sol sans lâcher son tesson de bouteille. Je prends le temps de le lui enlever et pénètre prudemment dans la pièce. L'air sent le whisky et la fumée de marijuana. Odeur que l'on est guère étonné de humer dans le logis d'un barat. Plusieurs bouteilles de whisky brisées obstruent le foyer de la cheminée. Le mobilier en acier chromé est renversé dans tous les coins de la pièce, comme si deux poivreaux s'y étaient bagarrés. La table chromée, longue de près de 3 mètres, gît près de la fenêtre au carreau fêlé. James Harley Chase. Car nous marchons t'ai déjà vu. La pièce est vide. Je gagne une porte entrouverte, foulant sans bruit le tapis rouge sang. Dans la chambre que je découvre, les rideaux sont tirés et les lampes allumées. Une fille blonde platinée est couchée sur le lit. Elle porte un collier d'ivoire, une mince chaînette d'or autour de la cheville gauche et rien d'autre. Elle est jeune et plutôt bien foutue, mais dans le désordre des draps chiffonnés, elle n'est pas belle à voir. Sa bouche est gonflée comme si elle venait de recevoir un coup et quelques vilaines ecchymoses vertes et bleues dépassent ses bras et sa poitrine. James Harley Chase. We'll be right back.

On se regarde. Elle ne bouge pas et n'a pas même l'air surpris de me voir. Elle m'adresse un sourire béat et stupide, comme seuls savent faire les adeptes de la marijuana, quand ils veulent être aimables, mais que l'effort est au-dessus de leur force. Elle n'est certes pas en état d'écouter mon boniment. C'est donc à moi de décider si je la laisse là ou si je la ramène chez elle. Il est certain que son père ne sera jamais cité en exemple à une réunion de Boy Scout, mais au moins, il lui donnera autre chose que du hashish pour son petit déjeuner. Je me résous donc à l'embarquer. James Harvey Chase. Share it, oh, come. Bonjour, Miss Wingo. Si on rentrait chez papa-maman tous les deux, elle ne dit rien. Le sourire est toujours figé sur son éclatante bouche rouge. Je ne crois pas qu'elle m'ait entendu, mais je suis tout à fait certain qu'elle n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Il me répugne un peu de la toucher, pourtant il est évident qu'elle ne quittera pas l'appartement par ses propres moyens. Il va falloir la porter. Je me demande ce que la terreur en chapeau melon me dira quand il me verra traverser le vestibule en charriant la fille à bras-le-corps. James Harley Chase. Yeah! 'cause you're so lovable. I carry the watermelon. I wanna be vulnerable. I will not go to bars. I'll jump in strangers' cars. Our minds sweep for lines and lines and lines and lines and lines. It's not about the sex and sex and sex and sex and sex and sex. I wanna be your best ever friend forever. Best friend. This modern love. This modern love. This modern love. This modern love. I love you. You try, you try, you try, you try to make me change. I hope and I pray and I pray and I pray you'll stay the same. I wish, wish, wish, wish, wish, I wish you'll always stay. So I push, push, push, push, push, I push. Près de la fenêtre, il y a un autre lit. J'en arrache la couverture et la jette sur le petit corps dépravé. Si vous préférez marcher, dites-le-moi, sinon je vous porte. Elle me dévisage d'un œil vide, son sourire s'escamote et elle est obligée de faire un effort pour le ramener en place. Mais elle n'a pas d'opinion à formuler. Je me penche sur elle et glisse mes bras sous ses genoux et sous ses épaules. Je la soulève et soudain elle se réveille. Elle m'attrape par le cou et se rejette sur son lit. Je perds l'équilibre et m'aplatis sur elle. Elle n'est plus que bras et jambes et je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Je ne veux pas lui faire de mal, mais l'étreinte de ses mains est plutôt horrible et je ne puis supporter le contact de son corps chaud et mou. Avec un ricanement de démente, elle s'accroche à moi, ses jambes encerclent mon dos et ses ongles labourent mon cou.

Je saisis ses poignets et m'efforce de briser son étreinte, mais elle est étonnamment forte et je n'ai pas assez de recul pour m'en libérer. On roule au bas du lit et elle m'envoie un coup de boule, puis tente de me mordre au visage. Nous luttons sur le plancher, bousculant le mobilier. Je prends quelques coups dans la figure et ça fait mal. Alors je lui envoie dans l'estomac un solide qui lui coupe le souffle. Elle s'éloigne de moi, roulant sur elle-même, pente lente. Je me relève. Je m'aperçois que j'ai perdu mon col, qu'un revers de ma veste est arraché et que ma joue égratignée saigne. Cependant, la fille n'a pas abandonné la partie. Elle se tortille sur le plancher, cherchant à retrouver son souffle et à me poisser de nouveau, quand soudain apparaît Barat. Il entre doucement, précautionneusement, et sur son visage blanc flotte un sourire terne et froid. Dans sa main droite, il tient un couteau à longue lame, sans doute un couteau de cuisine. Avec ses pupilles dilatées, il a l'air d'un aveugle, mais il doit me voir quand même, car il me regarde droit dans les yeux et s'avance sur moi. Ses yeux morts, ce sourire figé et ce couteau à gigot me donnent des sueurs froides. Jette ce couteau, Barat. Je gueule et je m'éloigne à reculons en quête d'une arme. Il s'avance lentement, comme un somnambule, et je comprends qu'il est urgent de l'arrêter, sans quoi il me coincera contre le mur. Je fais un brusque plongeon vers le lit, saisis un oreiller et le lui balance dans la figure. Il s'en va titubant et j'en profite pour bondir de côté et attraper une chaise. Au même instant, il se rue sur moi. Il va buter contre les pieds de la chaise que je brandis à bout de bras et la collision nous fait vaciller. Je retrouve mon équilibre et lève de nouveau la chaise pour l'abattre sur sa tête lorsque la fille saute sur moi par derrière. Ses bras enserrent ma gorge et m'étranglent. Je commence à me sentir groggy et comme Barat s'élance sur moi, le couteau levé, je vais m'effondrer contre le mur avec la fille toujours cramponnée à mon cou. Je vois l'éclair du couteau et me jette de côté en poussant un hurlement. James Hardley Chase. Yeah, yeah. Yeah. Follow what is moving through my body line. I could never hold. and speech was so sincere. Now just relax and you will hear pretty music for pretty people. Pretty music for pretty people. You didn't forget to wash your hands. Through your hair you ran your comb. In your speech at the Grammys, you didn't forget to thank your mom. You were concise and stayed on topic. You didn't mention race or unemployment. You avoided the subject of poverty, 'cause you know that music is all about enjoyment. Pretty music, pretty music, pretty music for pretty people. Pretty music, pretty music for pretty people. La fille et moi, on s'affale par terre. Elle ne me lâche pas et l'étreinte de ses doigts autour de mon cou est si forcenée que je sens battre mes tempes. Je parviens à arracher ses mains au moment où Barat se penche sur moi. Je me dis que ma dernière heure est venue. Je lance mon pied en avant, mais manque mon but. Barat brandit la lame. Je tente de lui échapper en roulant sur moi-même, mais je me rends compte que c'est impossible. La fille, qui est aplatie sous moi, s'accroche toujours. Je ne puis libérer mon bras, je ne puis me retourner. La lame est pointée vers mon ventre. Et soudain, j'entends des pas précipités. Barat se retourne à moitié. Son couteau vise maintenant un point du plancher à quelques centimètres de mon corps. Un homme trapu aux épaules carrées surgit de nulle part et d'un geste vigoureux abat sur la tête de Barat quelque chose qui ressemble à un sac de sable. James Harley Chase. Sleep at night. Trash, trash. So many things in my mind. Trash, trash. I don't know what to do. Trash, trash. Trash, trash, trash, trash. So many bills every day. Trash, trash. Got no money to pay. Trash, trash. I don't know what to say. Trash, trash. Trash, trash, trash, trash. My body isn't fine. Trash, trash. My heart hurts all the time. Trash, trash. My face looks all the grey. Trash, trash. It's killing me. Don't know what to do. Don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I don't know what to do, I don't know what to do. Trash, trash. Yes, I need a rest. Trash, trash. The world is spinning too fast. Sometimes I want to go back to the past. Trash, trash. I ain't a fucking machine. I make mistakes, I'm a human being. I need my time, don't be pushed around. I'm so close, don't break out. Don't know what to do. Ce cambre fait un brusque écart et tombe à quatre pattes. Il tente de se relever, s'affale, se redresse encore et parvient presque à s'asseoir. Mais l'homme aux larges épaules bondit de nouveau et lui assène un deuxième coup sur le crâne. Tout cela n'a pris que 5 secondes. La fille s'acharne toujours à m'étrangler et pousse des cris d'orfraie. Je réussis à me retourner face contre terre pour mettre la fille sur le dessus du tas. Un bras puissant l'arrache à moi et je me mets debout à grand-peine. La fille hurle et se jette sur l'homme trapu, toute griffe dehors. Il ne bronche pas, écarte ses mains d'un revers et lui assène un bon coup de sac de sable sur la tempe. Elle s'effondre à ses pieds comme une bête à l'abattoir. Il se penche alors, lui soulève la paupière, se redresse et me sourit. « Salut, vous n'étiez pas la fête, on dirait. Je vous ai entendu gueuler. C'est-il qui avait vraiment l'intention de vous saigner ou bien c'était pour rire ?» Me. bah justement Ken Kesey. On va voir les auditeurs un peu loin de la scène. Partout entre John Auer et Ken Stringfellow, une chanson chacun déjà. When New Tongues Speak à l'instant. Les Posies en direct du 105. Après ce concert du Bataclan hier avec Magma Pop et Flop, demain ils seront à Manchester. Je m'essuie le visage et la nuque avec un mouchoir, puis je dis. Il était un peu excité. Je crois qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il est bourré jusqu'aux yeux. Je regarde avec un peu d'appréhension le petit tas de bras et de jambes nues sur le tapis. Vous l'avez drôlement sonné. J'espère qu'elle n'a pas de mal. Il faut que je la livre à un mien client. D'un geste désinvolte, il balaie mes craintes. Oh, vous en faites donc pas pour elle. Les camés, faut pas avoir peur de les endormir. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres, ces deux-là. Depuis 3 jours, ils ont pas arrêté de se bagarrer et de gueuler, et moi, je veux pouvoir dormir tranquille. J'essuie toujours mon visage et ma nuque, car je suis inondé de sueur. Le grand couteau de cuisine me fout les jetons. Vous habitez ici, je demande ? Eh oui, pour mon malheur, juste en face. Je m'appelle Nick Perelli, si ça vous intéresse. Je me présente à mon tour. Je vous dois une fière chandelle. Si vous n'aviez pas assommé ce cinglé, il m'aurait probablement éventré. Perelli sourit. Son mince visage basané s'éclaire d'une lueur amusée. Il n'est pas vilain à regarder, le gars. Il me fait vaguement penser à George Raft. Ses vêtements sont de bonne coupe et il sait les porter. C'est donc vous qui dirigez les Universal Service, hein ? Un chouette business. Si j'étais à votre place, je ne me plaindrais pas. Bah, c'est pas toujours drôle, hein, vous en avez la preuve. Enfin, il est bien entendu que si je puis vous être utile en quoi que ce soit, maintenant ou plus tard, vous me ferez signe. Nous vous réserverons notre service catégorie 1, et cela aux frais de la maison. Entendu, dit-il avec un large sourire. Pour le moment, ça va à peu près, mais on ne sait jamais. Du bout du pied, il effleure les côtes de la fille, puis la repousse. C'est un job, ça ? Took my dream away at half past three. Ah, we don't care to bore the likes of you, he turned and said to me. If you smile and say I love you so, I only wanna hold you. If you'll never ever let me go, no one ever told you. Morse code messages straight from your heart. Morse code messages right from the start. They mean those messages you sent to me. All I know is that they break my heart. Cause are those hands that tap the wire sending signals down the line? Ah, flash like the minds that never tire, sending stranded souls a sign. Long distance lovers subsidize, the system's getting out of hand. Messages right from the start. Well, I don't know what they mean, those messages you sent to me. All I know is that they break my heart. Straight from your heart. I only wanna hold you. Morse code messages right from the start. No one ever told you. Well, I don't know what they mean, those messages you sent to me. All I know. Why should I have to show my ID? There's no consensus and I don't agree with what they're undertaking in my name. I'm appalled and I'm ashamed. Why should I have to show my ID to be enrolled in this community where all my role models are on the take and the real thing is a fake? All my heroes died while they were still alive. Confused or compromised, their values undermined. They were led down to the hole where the blood and money flows. Why should I have to show my ID? Someone somewhere's got a file on me, and someone somewhere's got a file on you. Anyone will do. The world's ruled by a cheat with his gang of thieves, whose lies and doublespeak spread faster than disease. And your pursuit of peace will mark you out a freak, a victim and a bore, while their portfolios soar and weapon sales will peak, aimed only at the weak, those already on their knees. It's arms for amputees, it's the bullet's exit hole where the blood and money flows. Never again! not in my name. Never again, not in my name. Never again, not in my name. Bad guys come first, the third world thirsts, starves or dies of AIDS in the modern day crusades. The Wild West will win, defeat the Indians, drive the devils to the door with the homeless and the poor. And when there's nothing left to bomb, no one left to beat, they'll train their crosswires on the unseen enemy, the ever-present threat that hasn't happened yet and probably never will. Still they move in for the kill, but the night sights won't show if your friend or foe. Are you so much better than the junkies and Saddam? Are you guaranteed a place when they build the master race? And will the world then be pure? We've heard that one before, in history's deepest holes, where the blood and money flowed. Never again, not in my name. Never again, not in my name. Never again, not in my name. Never again, not in my name. Never again. We'll be right back. m'en félicite pas. J'ai pour mission de la ramener à son vieux. Et vous croyez qu'il sera content de la récupérer? À sa place, j'y tiendrai pas, même si on refilait un yacht en prime. Je vais chercher la couverture et la jette sur le cornu. Son père ne vaut pas beaucoup mieux. Mais au fait, qu'est-ce qu'il va dire le chien de garde en bas quand il me verra traverser le hall avec ce paquet sur les bras? Maxi? Perelli éclate de rire. Il pavoisera. Ça fait longtemps qu'il veut en être débarrassé, mais il a peur de Baratte. J'allais justement sortir pour voir ma souris. On descendra ensemble, je m'arrangerai pour qu'il ne vous embête pas. Au poil, je dis. Il ne manquerait plus que je me fasse épingler comme kidnappeur. Il me désigne une porte. La salle de bain est là, si vous voulez faire un brin de toilette. Vous avez une drôle de dégaine, je surveillerai ce petit monde en attendant. Je vais dans la salle de bain et je fais de mon mieux pour réparer les dégâts. Je me débarbouille, je raccroche mon revers déchiré à l'aide d'une épingle, mais j'ai quand même l'air de m'être bagarré avec un chat sauvage. Je ressors, je roule la môme évanouie dans la couverture et je la hisse sur mon épaule. Pourvu qu'elle ne revienne pas à elle dans la voiture. Aucun danger, dit Perelli avec confiance. Quand je les estourbis, c'est pour longtemps. Nous montons dans l'ascenseur sans avoir rencontré personne. L'ascenseur plonge dans les étages et je demande. Mais vous emmenez toujours une matraque quand vous avez rencard avec votre petit ami? Il sourit. James Hardley Chase. Years I've been locked in. Je ne m'en sépare jamais. Je suis joueur professionnel et il n'y a rien de tel qu'un bon coup de matraque pour aplanir les différends. Ça m'a dépanné plus d'une fois. Le fait est que vous savez vous en servir. Ce n'est pas sorcier, il suffit de taper sec. Un petit coup, ça ne sert à rien, ça ne fait que les rendre enragés. L'ascenseur s'arrête sans bruit et nous nous engageons dans le hall. La standardiste se soulève de sa chaise et nous regarde bouche bée. Sa main tâtonne le long de la table, elle trouve un bouton et y appuie l'index. Le surveillant Melon surgit comme un diable de derrière sa colonne. Il aperçoit la fille qui ballotte sur mon épaule, pousse un grognement sourd et s'avance d'un pas décidé. Ça va, Maxi, t'excite pas, dit Pirelli. On est en train d'évacuer quelques ordures ménagères, t'excite pas. Maxi s'arrête pile. Il se penche pour examiner le visage de la fille, reconnaît la cliente et abandonne ses airs de matamor. Oh, celle-là, oui, où c'est que vous l'emmenez ? Qu'est-ce que ça peut te foutre du moment qu'on l'emmène ? Demande Pirelli. Maxi retourne la question dans sa tête et finit par déclarer. Très juste, mais Barat-il la laisser partir comme ça ? Il roupit pour le moment, dis-je. On a pensé que ce serait vache de le réveiller. Maxi regarde les égratignures de mon visage et siffle doucement. Ouais. Mettons que je ne vous ai pas vu. Les gars, il fait signe à standardiste. T'entends, Gracie ? On n'a rien, on n'a vu personne. La fille opine de la tête et se replonge dans son journal. Maxi nous congédie du geste. James Hardley Chase. There will be days when you don't wanna leave your Attention, des fois qu'il y aurait des flics dans les parages. Nous descendons les marches vers le trottoir ensoleillé. Il n'y a pas de flics dans les parages. Je couche la gosse évanouie sur le siège arrière et claque la portière. Bon, je fais encore une fois merci. Je peux dire sans trop m'avancer que Mou m'avait sauvé la vie. Je donne ma carte à Pirelli. N'oubliez pas, n'importe quand, n'importe où, je ne serai que trop heureux d'égaliser le jeu. C'est facile à dire, mais quand je vois le tour compris des événements, je me fais l'effet d'un singe avec une casserole au bout de la queue. Car 3 semaines ont passé et je me vois dans l'obligation de tenir ma promesse. James Arnold Chase. Sasha! Jack Kerman, long, maigre et sec, est étendu de tout son long sur mon divan. Silhouette immaculée, vêtue d'un complet de flanelle vert bouteille, d'une chemise de soie crème et chaussée de daim marron. En équilibre sur sa poitrine est posé un verre de whisky à l'eau. D'une main alanguie et un peu incertaine, il bat la mesure d'un morceau de jazz que déverse la radio. Je suis vautré face à lui dans un de ces fauteuils où l'on enfonce jusqu'au sol et contemple par la fenêtre ouverte le clair de lune sur le Pacifique. Je me demande vaguement s'il vaut mieux aller prendre un bain ou me préparer un autre verre. La fille de Wingrove n'est plus que de l'histoire ancienne et c'est à peine si je me rappelle qui est Perelli. Il y a déjà 10 jours que j'ai ramené la petite droguée évanouie au sein de sa famille et tout au moins en ce qui me concerne, l'affaire est classée. James Harvey Chase. The song. It's okay if Elvis goes on home.